te fait très mal, nous te vivons très bien. Depuis, nous finis mariés, vous voulez changer chair. Yo te toujours dit femme et gâte. C'est pour lié à moi, vivre ça. Cependant, moi pas de penser au ta même transaction. Moi résigné, subi tout le monde. Ma chère souffle la joie de parents. Ma bien content. Vous m'êtes allé, chérie. Ou après moi passé au trahi. Son seul bagaille m'a passé, c'est divorcé. Son seul bagaille m'a pensé.